5, 4, 3, 2, 1, lift off. Depuis la première sonde spatiale, lancée dans sa direction en 1964, Mars a été la cible de plus de 40 missions. Même si dans un premier temps, beaucoup ont été des échecs, au point que l'on a pu parler d'une malédiction martienne, on a rapidement acquis la preuve que si la quasi-totalité de sa surface d'aujourd'hui est un désert froid de poussière rougeâtre, la planète, justement dite rouge, a jadis abrité de l'eau liquide. Les clichés cartographiques, transmis d'abord par les sondes, puis par les véhicules robotisés, montrent des structures géologiques ressemblant à d'anciens lits de rivière. On a daté la présence d'eau liquide sur Mars à 3,8 milliards d'années. Puisque l'eau coulait, il existait une atmosphère, et la température était supérieure à 0 degré, condition rendue possible par un effet de serre dû au dioxyde de carbone. Or, à la même époque et dans la même condition, la vie s'est développée sur Terre. Pourquoi pas sur Mars ? L'eau liquide a cependant vite disparu de la planète rouge en raison de l'extinction des volcans. Leurs éruptions n'ont plus nourri l'atmosphère, celle-ci s'est dispersée dans l'espace en raison de la faible gravité martienne. Les mers se sont asséchées, et si une vie bactérienne primitive les a peuplées, elle n'a pas pu évoluer et survivre. Il ne reste en surface plus que de l'eau à l'état de glace dans les calottes polaires et il y fait désormais très froid, moins 60 degrés en moyenne. Les missions martiennes en cours et futures ont donc pour but de chercher d'éventuelles bactéries fossiles. Le succès n'est aucunement garanti. Mais l'enjeu, à la fois scientifique et philosophique, est énorme. Si on en trouve, cela impliquera que la vie n'est pas un miracle spécifique à la Terre, mais qu'elle peut se développer un peu partout dans l'univers, dès lors que les conditions physiques et chimiques adéquates sont réunies. Les orbiteurs, atterrisseurs et autres robots mobiles d'exploration envoyés sur la planète rouge ont pour tâche d'explorer les sites où l'eau liquide a jadis coulé. La prospection détaillée du sol martien a commencé avec les deux astromobiles de la NASA, Spirit et Opportunity, déposés sur Mars en 2004 et qui ont roulé 3 ans d'affilée sur des dizaines de kilomètres. Le rover Curiosity, posé en 2012, a emporté 75 kg de matériel scientifique, dont 2 mini-laboratoires permettant d'analyser les composants organiques et minéraux. Aujourd'hui, le programme martien est devenu plus international et il présente une certaine flexibilité, utilisant notamment les fameuses fenêtres propices au lancement tous les 26 mois environ, lorsque la planète rouge se situe du même côté du Soleil que la Terre. L'année prochaine verra par exemple le lancement de deux nouvelles astromobiles plus performantes, ExoMars de l'Agence spatiale européenne, avec une participation de la Russie pour le module de descente, et Mars 2020, développé par la NASA. Dans cette passionnante course à la recherche de traces de vie, les vaisseaux en orbite martienne ne sont pas en reste. Grâce à des sondages radar, la sonde européenne Mars Express, qui tourne depuis plus de 15 ans, a découvert l'an dernier un grand lac souterrain de 20 km de large, enfoui près du pôle sud martien, sous une couche de glace et de poussière de 1,5 km d'épaisseur. Malgré la teneur très forte en sels minéraux, la présence d'une vie microbienne actuelle et non plus fossile n'est pas exclue. On trouve en effet sur Terre des bactéries dites extrémophiles, capables de survivre dans des conditions similaires. Comme quoi, la planète rouge pourrait nous réserver bien des surprises. Quant aux missions habitées, beaucoup plus coûteuses et risquées, elles ne sont guère envisageables avant 2040, au mieux lors de la fenêtre de tir de 2037. Rappelons que, loin des 3 jours qu'il faut pour aller sur la Lune, une mission aller-retour vers la planète rouge durera au moins 2 ans, une durée de vol jamais testée sur les organismes humains. En outre, les premières missions humaines concerneraient non pas des dépôts d'astronautes sur la surface, mais des mises en orbite autour de Mars. Ce serait déjà un extraordinaire exploit, dépassant de loin celui du programme Apollo. À demain. À demain, Jean-Pierre Luminet, pour vos chroniques de l'espace.